Cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fanakmil, hada al-bab al-muhim. Et dans le dors précédent, on avait étudié ensemble la première catégorie, muharramat da'iman. Et on avait lu ensemble, as-sinful awwal, et la première sous-catégorie, al-muharramat bin-nasab, et des liens de sang. Le deuxième, as-sinful thani, al-muharramat bin-radha', des liens d'allaitement. Et on est arrivé au troisième. Qala, rahimahullah, as-sinful thalith, al-muharramat bin-sihr, et par alliance. وهي القرابة الناشئة عن الزواج. القرابة الناشئة عن الزواج. أما الرضاع c'était قرابة ناشئة عن الرضاع. C'est quoi qui a fait que Fulan ou Fulana, tu as des liens avec elle? C'était dans la catégorie de l'allaitement, c'était l'allaitement. Dans le nasab, c'est des liens de famille proche, de sang. هنا c'est par alliance. مثلا, pourquoi tu n'as pas le droit de te marier avec la sœur de ta femme? لماذا لأن tu es marié avec ta femme. Donc, هذا السبب, ça a impliqué que la sœur de ta femme, elle est haram pour toi. قرابة ناشئة عن الزواج. C'est pour ça que celui qui n'est pas marié avec cette femme, il a le droit de marier avec sa sœur. وهنا il a cité quatre cas. قال أولا زوجات الآباء والأجداد وإن علوا سواء من قبل الأب أو من قبل الأم لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. Donc زوجات الآباء, أي les femmes de ton père ou de ton grand-père ou de ton arrière-grand-père. مهم, ce qu'on avait expliqué, ton أصل, أي tes ancêtres, père, grand-père, grand-père, wa in alou. Et là, chacun n'a fait le waqi', bien sûr, c'est des personnes que tu n'as pas rencontrées, tes arrière-grands-parents, in akhri. Lakin l'ulama ici, t'ala, pour te montrer une règle. Fa zawjat al-aba, bien sûr, amma la mère, taqaddamat ma'ana fin nasab. Lakin, si ton père il est marié avec plusieurs femmes, ta mère, taqaddam ma'ana fin nasab. Ça, c'est clair. Lakin, si ton père il s'est marié avec une deuxième femme, ce n'est pas ta mère, elle est haram pour toi. Hakada ton grand-père, s'il s'est marié avec une deuxième femme, que ça soit grand-père paternel ou maternel. Hada qawluhu min qibal al-ab ou min qibal al-um. Qala famata 'aqada ar-rajul 'ala imra'atin sarat haraman 'ala abna'ihi وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها. Donc si un homme il se marie avec une femme, فصارت حراما على أبنائه, cette femme elle devient haram pour ses enfants, أي son fils, son petit-fils, إلى آخره. كذلك les enfants de ses enfants, وهكذا, ce qu'on avait expliqué الفروع, même si ça descend. وهذا c'est واضح. قال سواء دخل بها أم لم يدخل بها, même s'il n'a pas eu de rapport avec elle. Si on قدر أن ton père il s'est marié avec une femme et il s'est marié avec elle, ثم il a divorcé et il n'a pas eu de rapport avec elle, أنت tu n'as pas le droit de te marier avec elle, même s'il la divorce, elle est haram pour toi. On est toujours dans المحرمات أبدا. Vous rappelez, da'iman, elle est ta'bid, toujours. Donc si ton père il fait al-aqd avec une femme, il se marie, s'il a des rapports, c'est clair, même s'il n'a pas eu de rapport avec elle, thumma il a divorce, enfin tu n'as pas le droit de te marier avec elle, abadan. Qala al-imam al-Qurtubi, rahimahullah, ajma' al-ulama. Et cette mas'ala, il y a ijma', l'unanimité des savants. Ala tahrim ma'aqad alayhi al-aba. Enfin pour toi, ça va être ta belle-mère. Elle est la femme de ton père. قال على الأبناء وما عقد عليه الأبناء على الآباء. C'est le deuxième cas qu'on verra ensemble. Il y a l'ijma كذلك. قال كان مع العقد وطء أجماع أو لم يكن. لأن ça arrive. واحد il se marie avec une femme, ثم il y a eu un problème, il se dit, il la divorce et il n'a pas eu de rapport avec elle. Enfin, même dans ce cas, tant qu'il y a eu un عقد شرعي, donc cette femme elle devient haram pour le fils de cet homme, أبدا. فائدة, une précision هنا. أم هذه المرأة, أي أم زوجة أبيك. Ton père, il s'est marié avec une deuxième femme. Cette femme, c'est pas ta mère bien sûr, c'est ta belle-mère, elle a une mère et elle a une fille. Sa mère et sa fille, elles sont pas haram pour toi. Tu as le droit de te marier avec la mère de la femme de ton père ou avec sa fille. قال أم هذه المرأة أي أم زوجة أبيك أو بنتها أي بنت زوجة أبيك فهما امرأتان أجنبيتان عليك وهذا بالإجماع. Unanimité des savants à l'hada. لأن البعض font une erreur, أن la mère de leur belle-mère, أي on parle belle-mère, la femme de son père qui n'est pas sa mère, et ils pensent que c'est un mahram, lui c'est un mahram pour cette femme. Et Rubama il lui serre la main, il a crié, ou la fille de cette femme, Rubama il a son âge. وقد يقع في الفتنة وهذا لا يجوز. لا أجنبيتان العلماء يقولون هذا بالإجماع. Donc la femme de ton père, أي ta belle-mère, tu es un mahram pour elle. لماذا؟ لأن c'est la femme de ton père. أما les أصول de cette femme, أي sa mère, sa grand-mère, il a آخره, أو ses فروع, les filles de cette femme ou ses petites filles, فسيدي أجنبيات pour toi. هذه c'est une فائدة importante. أما بنت زوجة أبيك, أما la fille de cette femme par ton père, ça sera quoi le حكم؟ ما عند من؟ لا يجوز ماذا؟ لماذا؟ نعم, c'est ta sœur, la fille de ton père, c'est ta sœur. Ton père, il s'est marié avec ta mère, أنت t'es leur fils. طيب. Ton père, il se marie avec une deuxième femme. Il a une fille. Enfin, c'est ta demi-sœur. Vous avez le même père. Mafhoum. قال ثانيا زوجات الأبناء وإن نزلوا. C'est la même chose, لكن on parle plus du père, on parle du fils. لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه وأجداده وإن علوا. أنت, tu es marié avec une femme. Cette femme, elle est haram pour ton père, même si tu la divorces. Abadan. Ton père, c'est qui pour cette femme? C'est son beau-père. Donc même si tu divorces ou tu meurs, هذا الرجل, c'est son beau-père et c'est un mahram pour elle. Abadan. فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه وأجداده. كذلك, c'est valable pour ton père, qui est son beau-père à cette femme, et كذلك ton grand-père, وهكذا. قال وإن علوا سواء من قبل الأب أو من قبل الأم أي الأجداد, que ça soit ton grand-père paternel, et ton père c'est son beau-père, ton grand-père كذلك على الله, et كذلك au niveau de ta mère. مثلا le père de ta mère pour toi c'est ton grand-père, il est haram pour cette femme كذلك. Tes grands-parents des deux côtés, tes grands-pères des deux côtés maternels ou paternels, ils sont haram pour cette femme. قال وإذ علوا سواء من قبل الأب أو من قبل الأم بمجرد العقد وإن لم يدخل بها. Même si tu n'as pas eu de rapport avec cette femme, مثلا tu t'es marié avec une sœur, ثم حصل ما حصل, tu la divorces et tu n'as pas eu de rapport avec elle, ton père c'est un mahram pour elle et il n'a pas le droit de se marier avec elle أبدا. Même si le mariage n'a duré qu'une heure, même si le mariage a duré une minute, tant qu'il y a eu un aqd sahih, cette femme, elle devient haram pour le père et pour ton grand-père paternel et ton grand-père maternel. وهكذا. ونقل على ذلك الإجماع الإمام القرطبي رحمة الله عليه. Et on a lu son kalam. On le répète, أجماع العلماء على تحريم ما عقد عليه الأب على الأبناء. Ça, c'était le premier cas. وما عقد عليه الأبناء على الأب. Et c'est ce cas qu'on vient de lire. قال كان مع العقد وطء أو لم يكن. Qu'il y ait eu des rapports, amla. Troisième cas, أم الزوجة وجداتها وإن علوا لقوله تعالى وأمهات نسائكم أي ta belle-mère, أم الزوجة. Si tu te maries avec une femme, la mère de cette femme, c'est ta belle-mère. Donc si même un jour tu divorces avec ta femme, ta belle-mère, tu es un mahram pour elle, abadan, et elle est haram pour toi dans tous les cas. Et كذلك, la mère de ta belle-mère, كذلك, la grand-mère de ta belle-mère, وهكذا, et tous les أصول de ta femme, du côté de la mère, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, وهكذا. قال فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها وجداتها حراما عليه بمجرد العقد وإن لم يدخل بها سواء كانت جدتها من قبل الأب أو من قبل الأم. كذلك s'englobe la grand-mère de cette femme, que ça soit sa grand-mère maternelle ou paternelle. Les deux grand-mères de cette femme, elles sont haram pour toi. نفس الشيء qu'il y a eu des rapports amla بمجرد العقد. Quand tu fais l'aqd, même si tu la divorces et tu n'as pas eu de rapport, ta belle-mère, elle est haram pour toi. Fa'ida, in kana li abi zawjatik akthar min mar'a. Ta'ammalu. Ça ressemble à la fa'ida qu'on a citée précédemment. Si ton beau-père, il a plus d'une femme, un tas, tu es marié avec une sœur. Cette sœur, elle a une mère et elle a un père. La mère de cette sœur, c'est ta belle-mère, il n'y a aucun problème. Son père, c'est ton beau-père. Ton beau-père, il a plusieurs femmes. Il a ta belle-mère comme femme, elle est la mère de ta femme. Kadhalik, il a une autre femme. Qala, cette autre femme, fahaula, que ce soit une ou deux ou trois, fahaula an-nisa, fahaula lasna min maharimik illa zawjatik. Il n'y a que ta belle-mère. Tu es un mahram pour elle et elle est haram pour toi. Qala lasna min maharimik illa zawjatik, fala yajuz an tusafi'ahun. Et ça, c'est important. Il pense que le beau-père, toutes ces femmes, pardon, ils pensent qu'ils ont le droit de s'asseoir avec et de parler, il a akhri. Là, que ta belle-mère, la mère de ta femme, amma les co-épouses de ta belle-mère, fala, c'est des ajnabiyat. Hada, c'est un tambih muhim. Rabi'an, quatrième cas. Banatu zawja, wa banatu abna'iha, wa banatu banatiha. Aïe. Si ta femme, elle a déjà été mariée avec un autre homme avant toi et elle a eu une fille avec cet homme. Cette fille, la chèque, si tu te maries avec sa mère, tu n'as pas le droit de te marier avec la fille. قال وإن نزلنا كذلك sa fille, sa petite fille, وهكذا. قال وهن الربائب. نعم. الربيبة, c'est la belle-fille. Et c'est la fille de ta femme qui était mariée avec un autre homme. قال وفروعهن لكن بشرط أن يطأ الزوجة. Il y a un khilaf kabir بين أهل العلم. والصحيح c'est هذا. هنا la condition c'est que l'homme, مثلا, il fait un عقد, un contrat de mariage avec une femme. Cette femme elle a une fille. Si après avoir fait le contrat de mariage, il a des rapports avec sa femme, sa fille, ربيبته, et sa belle-fille, هنا, elle est haram pour lui, l'abat. Si il fait le contrat de mariage, thumma, il divorce cette femme pour une raison, et il n'a pas eu de rapport avec elle, il a le droit de se marier avec sa fille. Limada li annahu, il n'a pas eu de rapport. Il va citer le dalil. Qala fa law hasal al firaq qabla al wat lam tahrum al raba'ib wa furu'ahun li qawlihi ta'ala wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم قوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم c'est un dalil واضح. Et si vous n'avez pas eu de rapport avec la mère, il n'y a aucun mal de se marier avec la fille. Et après avoir divorcé la mère, bien sûr. قال فمتى تزوج الرجل امرأة ووطأها صارت بناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها وإن نزلنا حراما عليه سواء كنا من زوج قبله أم من زوج بعده. Et هذا c'est important. نعم. Que ça soit cette fille, elle soit un mari avant lui ou un mari après lui. مثلا واحد se marie avec une femme et elle a déjà une fille avec un homme avant lui. Cette fille, s'il a eu des rapports avec sa mère après à s'être marié, cette fille, elle est haram. On qadr annahu, il divorce cette femme après s'être marié avec elle, avoir eu des rapports, il divorce cette femme elle se remarie avec un autre homme. Elle a une fille, cette fille elle est haram. Que ça soit avant son mariage ou après. C'est dans les deux cas, cette fille, elle est haram. Bien sûr, après le wat, après avoir eu des rapports. قال فإن الربائب وفروعهن لا يحرمن عليه. نعم. هذه المسائل sont importantes. Donc quatre cas. Les femmes du père, les femmes du fils, la mère de la femme et la belle-mère et les filles de ta femme. Et bien sûr, autre que tes filles. Le dernier qism, al-muharramat ila ajal. Donc le premier qism, c'était al-muharramat ila al-abad. Et toujours. Dans aucun cas, tu pourras te marier avec toutes ces femmes qu'on a citées auparavant. La deuxième et dernière catégorie, muharramat ila ajal. Et c'est une femme التي حرمت على الرجل لسبب من الأسباب. Il y a une cause. C'est pour ça que l'homme, il n'a pas le droit de se marier avec elle. فإذا زال السبب زالت الحرمة. Et si cette cause, elle n'est plus présente, le tahrim, l'interdiction de se marier avec cette femme, يزول. Elle est plus, c'est plus interdit de se marier avec cette femme. Et on en a parlé dans le dars précédent. On avait cité l'exemple de la sœur de ta femme. أخت الزوجي c'est le premier cas. قال وأما المحرمات إلى أجل فمنهن أخت الزوجة وعمتها وخالتها حتى يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة وتنقضي عدتها. Il a cité plusieurs précisions. أولا il a cité ses femmes أخت الزوجة, la sœur de ta femme et ta belle-sœur, وعمتها la tante de ta femme, que ce soit paternelle ou maternelle, ammatuha wa khalatuha, hatta yufariq az-zawja. Si tu divorces avec ta femme, ça c'est la première condition. Yana, t'as pas le droit de rassembler entre la femme et sa sœur, la femme et sa tante, t'as pas le droit. Donc la première condition c'est que cette femme c'est plus ta femme, donc le divorce. Le divorce, cette séparation, ça peut être deux cas. Imma furqat maut, مثلاً, cette femme elle est morte. Ta première femme, elle est morte. Donc, tu as le droit de te marier avec sa sœur, Ba'd. Hada, c'est arrivé à Uthman, radiyallahu anhu. Il s'est marié avec une des filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est morte. Thumma, il s'est marié avec une deuxième. Elle est des filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les deux femmes, radiyallahu anhu, c'était des sœurs, les filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hada, c'est un exemple pour tatasawwarun al-mas'ala. Ou, une séparation. Et cette femme, elle est toujours vivante. Et c'est ce qu'on appelle le divorce. Bien sûr, la femme, quand elle est divorcée, elle a une période. Elle ne peut pas se remarier. Tant que cette période, elle ne passe pas. Elle a des cycles de menstrues, plusieurs cycles. Au bout d'un certain temps, elle peut se remarier. Dans cette période, l'homme, il peut récupérer cette femme. Trois fois. Au bout de la troisième fois, c'est plus sa femme. On ne détaillera pas ces masa'il. Le muhim, c'est que le divorce il soit clair et que cette femme elle puisse se remarier. Si l'homme donc il est séparé de sa première femme, il peut se marier avec la sœur de cette femme ou avec sa tante paternelle ou maternelle. Amma quand il était marié avec elle, fala. قال لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. Donc il a cité deux preuves, un verset du Coran, وأن تجمع بين الأختين, t'as pas le droit de te marier avec deux sœurs dans un même moment. La بد من فراق, une séparation pour se marier avec l'autre. Et كذلك النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit de se marier avec une femme et sa tante. أي الجمع, en même temps. أما واحد il est marié avec une femme et cette femme elle décède. Thumma il se marie avec la tante de sa femme. Et vous avez remarqué que certains cas, à cause de l'ignorance, à cause des coutumes, peut-être qu'ils ne comprendront pas certaines choses. Dans notre dîn, il n'y a aucune preuve qui est interdite. Si on prend l'exemple, il se marie avec la tante de sa femme décédée. Il n'y a aucun mani. Mais vu qu'à cause de l'ignorance, c'est le ba'd. La tante de leur femme, vu qu'il se mélange et il la prend comme sa belle-mère ou comme sa mère, on n'a pas le droit de faire passer les coutumes avant les textes. Li anna Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bima salih 'ibadihi 'azza wa jall. Hada, ce cas il est clair. Deuxième cas, mu'taddatu al-ghayr. Al-mu'tadda, on a cité en bref, dans le premier cas, c'est la femme qui est divorcée. لكن قال أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره. Une femme, elle a été divorcée par un homme. Tu n'as pas le droit de te marier avec cette femme tant qu'elle n'est pas sortie de sa idda, de cette période. L'homme, il l'a divorcé la semaine dernière. Qu'elle se marie une semaine après. L'idda, ça dépend. Si elle est enceinte, c'est le fait qu'elle accouche. Si elle n'est pas enceinte, il faut attendre plusieurs périodes de menstrues pour voir qu'elle n'est pas enceinte. Thumma, elle se marie. Et on a expliqué ces périodes dans les dorous fi al-hayd wa nifas. قال فإنه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها وكذلك لا يجوز له أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها. Même الخطبة il a pas le droit. Il a demandé en mariage, demandé cette femme tant qu'elle est في العدة لا يجوز. Il doit attendre qu'elle finisse ثم يخطبها. S'il veut se marier avec elle, il se marie. Troisième cas, المحرمة بحج أو عمرة. La femme qui est en état d'ihram. Cette période, que ce soit fil hajj ou l'umra, cette période, quand elle est en état d'ihram, elle n'a pas le droit de se marier. قال لا يجوز عقد النكاح عليها حتى تحل من إحرامها. Jusqu'à qu'elle sorte de ce ihram. Et elle devient halal, fa bihadha al-hal, si elle réunit les autres conditions, elle a le droit de se marier. قال وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن خوفا من التطويل. نعم. Il y a des مسائل في الحقيقة. خلاف كثير بين أهل العلم. Si on a le temps, on pourra citer deux exemples فقط pour vous montrer. وإلا إن شاء الله quand vous étudierez des autres كتب خاصة في الفقه, que ce soit بلوغ المرام أو عمدة الأحكام ou des livres encore plus vastes, فالعلماء يدتايل أكثر. أما ce résumé de Cheikh Ibn Uthaymeen في الحقيقة il est نافع جدا, لأن ça englobe la plupart des cas. Et la plupart des cas, fiha ijma, l'unanimité des savants, et c'est la plupart des cas propagés qu'on a besoin souvent. Wa'illa ahyanan, il y a des cas qui sont très très rares, et il y a un khilaf kabir bayna ahli al-ilm. Qal wa amma al-hayd fa la yujib tahrim al-aqd 'ala al-mar'a fa yu'qad 'alayha wa in kanat ha'idan lakin la tuta, na'am, hatta tathur wa taghtasil. Amma al-hayd, et la femme qui a ses menstrues, fayajouz de se marier avec elle, même si elle est en état de haïd, et de faire l'aqd al-shar'i, ça devient la femme de hadha al-rajul. Amma al-jima', fahadha la yajouz, hadha c'est connu, un homme il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec sa femme si elle est en état de haïd. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, la'allahu, il a cité ce cas, et al-ba'd, il pense que quand la femme elle est en état de haïd, tu n'as pas le droit de te marier avec elle, et l'aqd. Là, il y a une différence entre l'aqd et que ça devienne ta femme et avoir des rapports. Donc, cette différence, elle est muhimma. Valihada, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité hada al-kalam. On peut citer, pour conclure, faqat pour vous montrer un naf al-haqiqa, il y a beaucoup d'autres cas. Mathalan, min jihat al-musahara min al-radha'a. L'alliance et l'allaitement. Et une alliance par allaitement. Fa mathalan, on cite deux cas. Et les ulama ختلفوا dans ces deux cas. Lakin as-sahih c'est qu'elle rentre dans les muharramat, wallahu a'lam. La première umm az-zawja min ar-radha'a, ay ta belle-mère de lait. Wa hiya allati arda'at zawjatak. Ta femme elle a été allaitée par une femme quand elle était petite. On avait dit ar-radha' la yabud fil hawlayn, les deux premières années. Enfin, quand elle était petite, elle a été allaitée par une femme muhim. Telle femme c'est sa femme, c'est sa mère de lait. Vu que c'est sa mère de lait, et taqaddam ala al-hadith, hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ar-radha' yahrumu min ar-radha' ma yahrumu min an-nasab, vu que c'est la mère de lait de ta fille, de ta femme, aqsud, pour toi c'est ta belle-mère de lait. Remplace l'allaitement par un nasab. La mère de ta femme, pour toi, c'est ta belle-mère. La mère de lait de ta femme, pour toi, c'est ta belle-mère de lait. Et هذه elle est haram ala sahih. Et il y a un khilaf wasi' bayna ahli al-ilm. Deuxième cas, bintu zawja min ar-radha'. Bintu zawja min ar-radha'. Et ta belle-fille de lait. As-sura, hiya allati wada'at min zawjatik, lakin min zawj ghayrik. Ta femme, elle était mariée avec un autre homme avant toi. Et quand elle était mariée avec cet homme, elle a allaité une fille. Cette fille, c'est la fille de lait de ta femme. Lakin, sahibul laban, vous vous rappelez de sahibul laban, et cet homme qui a eu des rapports avec cette femme, thumma cette femme, elle a pu allaiter. Sahibul laban, c'est son premier mari, ce n'est pas toi. Donc pour toi, cette fille, c'est ta belle-fille de lait. Cette fille, c'est ta belle-fille de lait. C'est la fille de ta femme. La fille min al-radha'a. La vraie fille, elle bint min al-nasab de ta femme. Pour toi, c'est quoi? Ta belle-fille. Vous vous rappelez, on l'a cité al-muharramat bis-sihr. La fille de ta femme, c'est ta belle-fille. Et bien sûr, de ta femme avec un autre homme. La belle-fille, la fille de lait de ta femme, ça sera ta belle-fille de lait. Je vous ai dit, vous remplacez un nasab par rada et vous allez avoir beaucoup de cas. Ces deux cas, il y a un khilaf kabir bayna ahl al-ilm, et il y a encore des autres cas fi hada qu'on ne citera pas huna, lianna al-waqt il est dhayiq, et on les a cités dans la kalima qu'on avait fait auparavant avec les frères. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad. On répète, anna, ce genre de masail au départ, ça paraît compliqué certains cas. On a cité beaucoup de catégories, beaucoup de cas. Wa illa, si tu viens à classer dans un tableau, مثلاً al-muharramat min al-nasab, et tu cites les cas, la mère, la fille, la sœur et la khiri, ça c'est très simple. Thumma min al-radha', et tu appliques le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuhrimu min al-nasab ma yuhrimu min al-radha', et tu verras que ça se ressemblera, sauf que au lieu de nasab c'est radha'. Thumma, une troisième, dans ce tableau, tu places une troisième catégorie, al-muharramat bi-sihr, et inshallah ça sera très clair. Thumma, tu essayes de kadhalik citer la deuxième catégorie, ila ajal. Et elles sont haram pour toi, lakin à cause d'une cause. Si cette cause elle disparaît, al-hurma kadhalik elle disparaît. Et c'est plus haram. Et tu verras que si tu récapitules hada et en révisant et en relisant, tu verras qu'il y a des cas, ça sera très très clair, acquis très très vite. D'autres cas, ça demande shay min al-waqt. Et alhamdulillah, l'essentiel, l'un, c'est que tu as un mordi. Et c'est ça qui est muhim fil ilm. Al-an, tu as étudié cette risala, on a étudié ensemble cette risala, et anta, tu as tes notes, tu as kalam shir ibn al-Uthaymeen, même si tu oublies, ou tu es confronté à un de ces cas, tu reviens à ta risala et taqra. Et si un cas qui n'a pas été cité huna, enfin, tu demandes à ahl al-ilm. Limada, on répète la muqaddima qu'on avait fait ensemble, anna, c'est très très important. Comme il en a, s'y mélange, il pense que cette femme, elle fait partie de l'muharramat, et que cet homme, c'est un mahram pour cette femme, alors que tu viens vérifier, ils n'ont aucun lien, la min nasab, wala min al-radha, wala shay, wala shay, et cette femme, c'est une ajnabiya pour lui. Lakin, ba'd al-nas, ils ont fait passer les coutumes, les habitudes, avant les textes, wallahu al-musta'an. Naktafi bihada, et la semaine prochaine, on continue l'étude de ce livre ensemble. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.